Comment ouvrir nos chakras? Le concept des chakras, issu de l'ancienne philosophie et des traditions spirituelles indiennes, a gagné en popularité ces dernières années. Ils sont des centres d'énergie subtile de notre corps qui jouent un rôle crucial dans notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Comprendre et ouvrir nos chakras peut apporter équilibre et harmonie à nos vies, améliorant notre flux énergétique global et favorisant la guérison. Dans cet article, nous explorons le système des chakras, approfondirons diverses techniques d'ouverture de ces roues énergétiques, et donnerons un aperçu de chakras spécifiques tels que la racine, le sacré, le plexus solaire et le cœur, ainsi que des pratiques pour éveiller et équilibrer ces centres énergétiques. Alors embarquons pour un voyage, pour libérer le potentiel de nos chakras et exploiter leur pouvoir transformateur. 1. Introduction aux chakras. Que sont les chakras ? Les chakras, mes amis, sont comme les centres énergétiques de notre corps. Ils sont comme ces petits trous d'énergie qui se maintiennent tout en équilibre et se déroulent normalement sans problème. Considérez-les simplement comme les moteurs de notre être. Nous avons 7 chakras principaux, chacun avec sa propre ambiance et son propre objectif. Importance de l'ouverture des chakras. Maintenant, pourquoi devrions-nous nous soucier d'ouvrir nos chakras, demandez-vous ? Eh bien, écoutez, car c'est là que la magie opère. Lorsque nos chakras sont équilibrés et circulent librement, nous nous sentons plus ancrés, plus énergiques et en contact avec nous-mêmes. C'est comme ouvrir les rideaux et laisser entrer le soleil. Donc, si vous voulez exploiter tout votre potentiel et vous sentir comme le maître zen pour lequel vous êtes né, il est temps d'ouvrir et de faire vibrer ces chakras. 2. Comprendre le système des chakras. Aperçu des 7 chakras. Très bien, apprenons à connaître un peu mieux ces 7 chakras, d'accord ? Nous avons le chakra racine, sacré, du plexus solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil, et le chakra de la couronne. Chacun d'entre eux représente différents aspects de notre moi physique, émotionnel et spirituel. C'est comme si nous avions toute une équipe de super-héros en nous, prêts à nous sauver de toute situation difficile. Alignement et équilibre des chakras. Imaginez maintenant tous ces chakras s'alignant parfaitement dans une danse cosmique. Ah, un pur bonheur! Mais parfois, la vie nous lance des bouleversements et nos chakras se détraquent un peu. C'est à ce moment-là que nous devons intervenir et rétablir l'équilibre. Ainsi, en alignant et en équilibrant nos petits trous, nous pouvons ramener l'harmonie dans nos vies et laisser les bonnes vibrations circuler librement. 3. Technique d'ouverture des chakras. Méditation et pleine conscience. Ah, la méditation, le saint graal de l'ouverture des chakras. Asseyez-vous, détendez-vous et laissez votre esprit vagabonder vers un endroit heureux. En vous concentrant sur votre respiration et en visualisant les chakras, vous pouvez éveiller et activer ces centres énergétiques comme un patron. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de tout votre être. Exercice de respiration. Qui aurait cru que la respiration pouvait être si puissante ? Eh bien, il s'avère que les exercices de respiration profonde peuvent faire des merveilles pour ouvrir nos chakras. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4, puis expirez lentement en comptant à nouveau jusqu'à 4. Répétez ce processus magique et sentez l'énergie circuler à travers vous. C'est comme des mini-vacances pour vos chakras. Yoga et mouvement physique. Il est temps de dérouler le tapis de yoga et de faire bouger ses corps. Le yoga et le mouvement physique peuvent nous aider à libérer les blocages et à faire circuler l'énergie. Des poses de guerrier aux salutations au soleil, ces pratiques anciennes peuvent faire des merveilles pour nos chakras. De plus, vous pourrez prendre des poses impressionnantes et vous sentir comme un yogi gracieux dans le processus. Namasté, mes amis. 4. Chakra racine, le fondement de l'énergie. Caractéristiques et signification du chakra racine. Plongeons dans le premier chakra, d'accord ? Le chakra racine, également connu sous le nom de Muladhara, est comme le fondement de notre système énergétique. Il s'agit avant tout de se sentir ancré et en sécurité. Considérez-le comme les racines d'un arbre qui nous maintiennent connectés à la terre et assurent la stabilité. Sans un chakra racine fort et équilibré, c'est comme construire une maison sur des sables mouvants. Pratique pour ouvrir et équilibrer le chakra racine. Pour ouvrir et équilibrer le chakra racine, nous devons nous mettre à terre et nous salir, ou peut-être simplement nous mettre à terre. Se connecter avec la nature, marcher pieds nus et pratiquer des exercices de mise à la terre peut faire des merveilles. Et si vous vous sentez aventureux, essayez le jardinage. N'oubliez pas que lorsque votre fondation est solide, le reste des chakras emboîtera le pas. 5. Chakra sacré, libérer la créativité et la passion. Caractéristiques et significations du chakra sacré. Ah, le chakra sacré, où tout le plaisir se passe. Situé juste en dessous de votre nombril, ce centre énergétique est responsable de votre expression créative, de votre passion et de votre sensualité. Considérez-le comme votre muse personnelle, pour tout ce qui est amusant et agréable. Lorsque votre chakra sacré est ouvert et équilibré, vous ressentirez un élan de créativité, une abondance d'idées et une joie de vivre à laquelle il est difficile de résister. Alors, plongeons-nous et libérons notre créativité. Pratique pour ouvrir et équilibrer le chakra sacré. Pour faire circuler ce chakra sacré, il s'agit d'embrasser l'artiste qui sommeille en vous et de laisser libre cours à votre créativité. Voici quelques idées pour vous aider à démarrer. Dansez comme si personne ne vous regardait. Mettez vos morceaux préférés et laissez votre corps bouger librement. Se débarrasser de toute gêne et lâcher prise. Faites-nous confiance, c'est un excellent moyen d'éveiller cette énergie sacrée. Soyez artistique. Participez à des activités qui vous permettent d'exploiter votre côté créatif, comme la peinture, l'écriture ou l'artisanat. Ne vous inquiétez pas de créer un chef-d'œuvre. Le processus lui-même est ce qui compte. Adoptez le plaisir. Offrez-vous des activités qui vous apportent joie et plaisir, qu'il s'agisse de savourer un succulent dessert virgule, de prendre un bain parfumé, ou simplement de passer du temps avec vos proches. Permettez-vous de pleinement embrasser et savourer le moment. N'oubliez pas que la clé pour équilibrer le chakra sacré est de s'amuser et de laisser libre cours à votre créativité. Alors n'hésitez plus et libérez l'artiste qui sommeille en vous. 6. Chakra du plexus solaire. Cultivez le pouvoir personnel. Caractéristiques et signification du chakra du plexus solaire. Bienvenue au pays du pouvoir personnel, le chakra du plexus solaire. Situé dans le haut de l'abdomen, cette centrale énergétique est axée sur la confiance, l'estime de soi et ce sentiment instinctif si important. Lorsque votre chakra du plexus solaire est en harmonie, vous rayonnerez de confiance en vous et prendrez des décisions comme un patron. Il est temps d'accéder à votre pouvoir personnel et de faire vibrer ce monde. Pratique pour ouvrir et équilibrer le chakra du plexus solaire. Prêt à allumer ce feu intérieur? Voici quelques pratiques pour vous aider à exploiter l'énergie de votre plexus solaire. Tenez-vous droit. Une bonne posture vous donne non seulement une apparence confiante, mais elle aide également l'énergie à circuler plus librement à travers votre chakra du plexus solaire. Alors, redressez votre colonne vertébrale et tenez-vous droit, comme l'être puissant que vous êtes. Canalisez votre guerrier intérieur. Participez à des activités qui nécessitent force et discipline, comme les arts martiaux ou le yoga. Ces pratiques peuvent vous aider à vous connecter avec votre pouvoir personnel et à renforcer votre confiance de l'intérieur. Fixez des limites. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire et établissez des limites saines dans vos relations. Cela garantit que votre énergie reste protégée et que votre pouvoir personnel reste intact. N'oubliez pas que cultiver le pouvoir personnel est un voyage continu. Alors, soyez patient avec vous-même et acceptez le processus. Vous en êtes capable. 7. Chakra du cœur. Cultivez l'amour et la compassion. Caractéristiques et signification du chakra du cœur. Le chakra du cœur, le centre de l'amour et de la compassion. Situé au milieu de votre poitrine, ce chakra vise à entretenir vos relations, à la fois avec vous-même et avec les autres. Lorsque votre chakra du cœur est ouvert et équilibré, vous ressentirez un profond sentiment d'amour, d'empathie et de connexion. Préparez-vous à laisser briller cette lumière d'amour. Pratique pour ouvrir et équilibrer le chakra du cœur. Prêt à répandre un peu d'amour et de compassion? Voici quelques pratiques pour ouvrir et équilibrer votre chakra du cœur. Pratiquez la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour apprécier l'amour et la beauté qui vous entourent. Exprimez votre gratitude pour les personnes et les expériences qui vous réchauffent le cœur. Pratiquez l'amour propre. Traitez-vous avec gentillesse, attention et compassion. Participez à des activités qui vous font du bien et répondent à vos besoins. N'oubliez pas que vous méritez tout l'amour du monde. Répandez la gentillesse comme des confettis. Effectuez des actes de gentillesse aléatoires envers les autres. Cela peut être aussi simple que d'envoyer un message réfléchi ou d'offrir un coup de main. De petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact important sur l'ouverture de votre chakra du cœur. N'oubliez pas que la clé pour cultiver l'amour et la compassion est de diriger avec un cœur ouvert. Alors, laissez cet amour couler librement et regardez vos relations s'épanouir. 8. Caractéristiques et signification du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, situé au niveau de votre gorge, est le centre de la communication et de l'expression de soi. Il est associé à la vérité, à la créativité et à la voix authentique. Lorsque votre chakra de la gorge est ouvert et équilibré, vous pouvez vous exprimer librement et clairement et vous sentirez en alignement avec votre véritable essence. Pratique pour ouvrir et équilibrer le chakra de la gorge. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider à ouvrir et équilibrer votre chakra de la gorge. Parlez votre vérité, honorez votre voix intérieure et exprimez vos pensées et vos opinions de manière authentique. Soyez conscient de la manière dont vous communiquez avec les autres et cherchez des moyens d'améliorer votre expression. Pratiquez la communication consciente, écoutez attentivement les autres et exprimez-vous de manière respectueuse et compatissante. trouvez un équilibre entre l'écoute et l'expression, en vous assurant que vos paroles sont alignées avec votre vérité intérieure. Explorez les formes d'expression créative. Trouvez des moyens de vous exprimer à travers l'art, la musique, l'écriture ou toute autre forme d'expression créative qui résonne en vous. Cela peut vous aider à libérer votre voix intérieure et à renforcer le chakra de la gorge. En pratiquant ces techniques, vous nourrissez et équilibrez votre chakra de la gorge, vous permettant de vous exprimer avec clarté, authenticité et intégrité. Lorsque votre chakra de la gorge est ouvert, votre communication devient un puissant moyen de connexion et de partage avec le monde qui vous entoure. 9. Caractéristiques et signification du chakra de la couronne. Le chakra de la couronne est le centre le plus élevé de l'énergie situé au sommet de votre tête. Il est associé à la spiritualité, à la connexion spirituelle et à la conscience supérieure. Lorsque votre chakra de la couronne est ouvert et équilibré, vous ressentez une profonde connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même, une sagesse transcendante et une compréhension de l'unité de toutes choses. Pratique pour ouvrir et équilibrer le chakra de la couronne. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider à ouvrir et équilibrer votre chakra de la couronne. Méditation et contemplation. Pratiquez régulièrement la méditation pour calmer votre esprit et ouvrir la porte à la transcendance. Contemplez également des questions profondes et philosophiques pour élargir votre perception et votre compréhension du monde. Connexion à la nature. Passez du temps dans la nature, observez la beauté qui vous entoure et ressentez la présence de quelque chose de plus grand. Cela peut vous aider à vous connecter avec le sacré et à ouvrir votre conscience à des réalités plus vastes. Pratique spirituelle. Explorez différentes pratiques spirituelles qui résonnent en vous, que ce soit la prière, le yoga, le chamanisme ou d'autres traditions spirituelles. Choisissez une approche qui vous aide à ouvrir votre conscience et à vous connecter à votre essence spirituelle. En vous engageant dans ces pratiques, vous permettez à votre chakra de la couronne de s'ouvrir et de s'équilibrer, vous offrant une connexion profonde avec le divin et vous aidant à vivre avec une conscience plus élevée. Lorsque votre chakra de la couronne est équilibré, vous pouvez trouver un sens plus profond à votre existence et expérimenter une paix intérieure et une harmonie avec le cosmos. Félicitations, vous avez parcouru les chakras et débloqué une énergie sérieuse. Mais n'oubliez pas que le travail sur les chakras est un processus continu, comme s'occuper d'un beau jardin. Voici quelques conseils pour maintenir un système de chakras harmonieux. Pratiquez régulièrement la méditation. La méditation est comme un nettoyage en profondeur de votre système énergétique. Prévoyez du temps chaque jour pour calmer votre esprit, respirez profondément et vous connectez à vos chakras. Écoutez votre corps. Votre corps est un puissant communicateur. Faites attention à toutes les sensations physiques ou émotions qui surviennent. Ils peuvent indiquer un déséquilibre dans vos chakras. Intégrez des pratiques de guérison énergétique. Explorez différentes modalités de guérison énergétique comme le Reiki, la guérison par les cristaux ou la thérapie sonore. Ces pratiques peuvent aider à rétablir l'équilibre et l'harmonie de vos chakras. N'oubliez pas que vous contrôlez votre énergie, alors soyez attentif à la façon dont vous la nourrissez. Gardez ces chakras ouverts et équilibrés, et regardez votre vie se transformer en un chef-d'œuvre vibrant et énergétique. Pensée finale et maintien des chakras ouverts. En conclusion, ouvrir et équilibrer nos chakras peut avoir des effets profonds sur notre bien-être général et notre croissance personnelle. En cultivant la conscience et en incorporant des pratiques telles que la méditation, les exercices de respiration et le yoga, nous pouvons puiser dans les puissants centres énergétiques qui sont en nous. N'oubliez pas que l'ouverture de nos chakras n'est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu. Un entretien et des soins personnels réguliers sont essentiels pour maintenir nos chakras alignés et fonctionner de manière optimale. Avec du dévouement et de la pratique, nous pouvons nous lancer dans un voyage transformateur, embrassant l'abondance d'énergie, d'équilibre et d'harmonie qu'un système de chakras ouvert peut apporter à nos vies. Puisse votre exploration des chakras vous conduire à un profond sentiment de paix intérieure et d'autonomisation. FAQ. 1.2. Le monde peut-il ouvrir ses chakras? Oui, tout le monde a la capacité d'ouvrir et d'équilibrer ses chakras. Les chakras sont des centres d'énergie présents dans chaque être humain et ils peuvent être travaillés et harmonisés par la méditation, la pratique de techniques énergétiques, la visualisation, la respiration et d'autres méthodes. Cependant, il peut y avoir des blocages ou des déséquilibres plus importants chez certaines personnes, ce qui peut nécessiter un travail plus approfondi pour restaurer leur énergie vitale. 2. Combien de temps faut-il pour ouvrir et équilibrer les chakras? Le temps nécessaire pour ouvrir et équilibrer les chakras peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Cela dépend de nombreux facteurs, notamment l'état actuel des chakras, les techniques utilisées, la régularité de la pratique et la sensibilité individuelle à l'énergie. Certaines personnes peuvent ressentir des changements positifs en quelques séances, tandis que d'autres peuvent nécessiter des mois voire des années de travail constant. La clé est la persévérance et la patience. 3. Quels sont les signes de chakras bloqués ou déséquilibrés? Les signes de chakra bloqués ou déséquilibrés peuvent varier en fonction du chakra concerné. Voici quelques exemples de signes courants. Chakra, racine, muladhara. 2. Peurs excessives, manque de sécurité, instabilité financière. Sacré, svadhisthana. 2. Problème de créativité, de sexualité, de confiance en soi. Du plexus solaire, manipura. 2. Manque de confiance en soi, problème digestif, colère. Du cœur, anahata. 2. Difficulté relationnelle, manque d'empathie, sentiment d'isolement. De la gorge, vishuddha. 2. Difficulté de communication, mensonge fréquent, maux de gorge. Du troisième œil, ajna. 2. Manque de clarté mentale, manque d'intuition, confusion. De la couronne, sahasrara. 2. Déconnexion spirituelle, sentiment de vide, manque de but dans la vie. Ces signes peuvent varier d'une personne à l'autre, et il est important de consulter un professionnel de la santé mentale ou un praticien en énergétique si vous avez des préoccupations sérieuses concernant vos chakras. 4. L'ouverture des chakras peut-elle entraîner des effets négatifs ? Oui, l'ouverture des chakras peut parfois entraîner des effets indésirables, surtout si elle est effectuée de manière incorrecte ou trop hâtive. Les effets négatifs peuvent inclure des déséquilibres émotionnels, des sensations de désorientation, des maux physiques temporaires et une augmentation de la sensibilité aux énergies environnantes. Il est important de pratiquer l'ouverture des chakras de manière progressive et sous la supervision d'un professionnel qualifié si nécessaire pour minimiser les effets négatifs potentiels. La méditation, la respiration profonde et d'autres méthodes douces sont souvent recommandées pour éviter les déséquilibres énergétiques importants.